se joue dans les nuances, entre conséquences et causes. La limite est très fine entre carence et overdose. Le monde de la musique maker, en fait le monde tout court. Comment danser un slow sous des roulements de tambour? Et si à chaque fois ça dérape? Et si t'aimes pas ma voix? C'est pas que t'aimes pas le rap, c'est juste que mon rap t'aime pas. Et si à chaque fois ça dérape? Et si t'aimes pas ma voix? C'est pas que t'aimes pas le rap, c'est juste que mon rap t'aime pas. On grandit tous trop tôt. Une canne à la kermesse. Combien de gosses sont morts de vieillesse? Je dois parler avec mon cœur, mais lequel? Celui qu'on m'a brisé ou celui qui revient avec elle? Les sentiments des océans que l'écriture distille. Quand mourir de son vivant n'est pas qu'une figure de style pour embrasser et cracher son venin. Quand les esprits tendent, quand les mots en viennent aux mains, le cœur accuse la langue, paraît-il nos démons s'apaisent avant d'atteindre la trentaine. Mais depuis la maladie d'amour, j'ai mis mon cœur en quarantaine. Celle-là tu la comprendras pas, mais sache que les chiffres mentent. J'avais signé ma vie bien avant le contrat de vente. Combien de mots enragés et tristes sortis de leur contexte? Combien de larmes ont été nécessaires pour écrire ce texte? On se déchire par les actes, se réconcilie par les mots. Et quand les mots passent à l'acte, c'est qu'une syllabe de trop. Ah c'est beau quand on s'aime, château de carton, tremblement de terre. Rien à foutre de la SACEM, mes droits appartiennent à ma mère. Le sourire, la parole du cœur, notre étincelle à préserver. On choisit pas les horizons, mais on choisit lesquels regarder. Partageons nos auréoles, communication idéale. Du chinois au créole, de Moscou à Montréal. Hey, réveille-toi, ce n'est pas que de la musique. Quand le piano s'arrêtera, mes mots deviendront idylliques. Tais-toi et observe, car sans silence, pas de parole. Le temps nous apprendra à regretter les cours d'école. Accusé par les mots, quand l'enfant devint adulte, les mots doux laissent plus de traces que les insultes. Les mots doux laissent plus de traces que les insultes. Les mots doux laissent plus de traces que les insultes. Les mots doux laissent plus de traces que les insultes. Les mots doux laissent plus de traces que les insultes.